Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Vitre noir, tu sais qui c'est. Vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Choc noir, cuir noir, vitre noir, tu sais qui c'est. Vitre noir, tu sais qui c'est. Vitre noir, tu sais qui c'est. Jante noire, cuir noir, vite noir, tu sais qui c'est. Avec les moyens du bord sens, tu t'en même à faire classer. J'suis pas le boss, mais mon but est de le surpasser. Au bout de quelques textes ici, plus besoin de citations, c'est vite assez. J'suis le déluge, t'ensevelis l'iceberg. Nique sa mère, Titanic, moi j'suis titanesque. J'suis le type annexe qui veut payer sur la fiche. Je sais que tu t'en fiches, mais l'expérience n'endurcit pas que les fils de riches. À suivre, mais restez là, n'est-ce de featuring. Je suis la figurine manipulé par CMC pour finaliser mon plan. Ce sera l'arroseur arrosé en direct sur M6. Yeah, budget Excel. Demande à Nesdin après le prochain couplet. C'est pas cher de ta vie que j'estime. Je freestyle, non je fais style. Même avec les moyens du bord, je pourrais payer du textile. Jante noire, cuir noir, vite noir, tu sais qui c'est. Je fais des feats viteuf, mais Nesdin est invité. Une fois de plus, le sommet peu, on l'a évité. Tu sais qui c'est, tu sais qui c'est. Jante noire, cuir noir, vite noir, tu sais qui c'est. Je fais des feats viteuf, mais Nesdin est invité. Une fois de plus, le sommet peu, on l'a évité. Tu sais qui c'est, tu sais qui c'est. Jante noire, cuir noir, vite noir, tu sais qui c'est. Le flow est en main lourd que tous mes gars ont déjà misé. T'es moche, même plein aux as, même déguisé. Je m'envole plus, je redescends plus d'essence. Laisse-moi pisser. 5 pour la blanche, 4 pour les rayés, ceux d'en bas. Tu fly puis tu retends, je suis le seul qui te déboîte. Tu perds ton temps, c'est mieux que de perdre la tête. Tu fais le vierge, mais t'es masqué, on t'appellera le trait. Qui compte sur nous, mieux vaut compter sur tes doigts. T'es le biceps qui gonfle, fais pas le prédateur. T'es ma proie, tu rêves trop. Appelle-moi griffe acérée, t'es comme la boîte à Carrefour. Toujours tu demandes à insérer, persévérer. Un gros mot, un gros mot monumental. Alors fais pas le dingue, j'ai la commande monumentale. Alors c'est hoche, hoche, hoche. Magma en fusion, mais un casque Gucci sale. Fais pas le prétentieux, c'est la contusion. Jante noire, cuir noir, vite noir, tu sais qui c'est. Je fais des feats viteuf, mais Nesdin est invité. Une fois de plus, le sommet de peu, on l'a évité. Tu sais qui c'est, tu sais qui c'est. Jante noire, cuir noir, vite noir, tu sais qui c'est. Je fais des feats viteuf, mais Nesdin est invité. Une fois de plus, le sommet de peu, on l'a évité. Tu sais qui c'est, tu sais qui c'est. Si, Ness, ok. BKSS. Tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est. BKSS. Dédicace, dédicace, dédicace. Tu sais qui c'est. Tu sais qui c'est.